franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du film La Religieuse de Jacques Rivette en 1966, chronique de la censure en France. Dans quelques jours, cela fera un an que le cinéaste nous a quittés. Il était l'un des derniers représentants de la fameuse Nouvelle Vague, ce vent d'air frais qui souffla sur le cinéma français au début des années 60. D'ailleurs, il y a 50 ans, au cœur de cette décennie, c'est d'une bien curieuse manière que le discret Rivette s'est invité au cœur de l'actualité et a secoué pendant plusieurs mois la France du cinéma. Au printemps 1966, alors que Rivette vient d'achever son dernier film, une adaptation de La Religieuse, le roman de Denis Diderot écrit en 1760 par le philosophe des Lumières, Yvon Bourges, secrétaire d'État chargé d'information, intervient pour le censurer. Cette décision autoritaire répond à une série de pétitions et de protestations émises par des associations catholiques et une partie de la hiérarchie cléricale. Face au choix jugé arbitraire du ministre gaulliste, le milieu de la culture se mobilise pour soutenir le cinéaste. Politique, cinéma, religion, tous les ingrédients du scandale sont réunis. Un scandale traversé par les enjeux de son époque, celui des rapports qu'entretient l'Église avec le pouvoir et le 7e art, celui d'une jeunesse et de sa réaction face à ces deux institutions, première secousse également d'un mois de mai 68 qui arrive à grands pas. Et puis, derrière le scandale, il y a l'histoire et les arts, une navigation qui nous porte du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, de la littérature au cinéma en passant par le théâtre, un voyage à l'image de l'œuvre et des réflexions de Rivette lui-même. Cette œuvre, son auteur, la censure, cette époque, nous y reviendrons en seconde partie d'émission avec notre invitée Hélène Frappa, romancière, critique de cinéma, spécialiste de Jacques Rivette, à qui elle a consacré deux ouvrages, dont celui intitulé Jacques Rivette, secret compris, publié aux éditions des Cahiers du cinéma en 2001. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Florent Beauvallet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. 1760. Denis Diderot a 47 ans. En quelques semaines, le directeur de l'encyclopédie écrit La Religieuse. Au XVIIIe siècle, la vie des couvents ne conserve souvent que les signes extérieurs d'une vie religieuse véritable. Moyenne en pension, beaucoup de bourgeois ou d'aristocrates enferment leurs filles au couvent jusqu'au mariage. Pour son roman, Diderot s'inspire de personnages réels. Louise Adélaïde d'Orléans, fille du régent Philippe, qui acquit le titre d'abbesse de Chelles en 1719, lui sert de modèle lorsqu'il imagine la supérieure de Sainte-Eutrope. Quant à Suzanne Simonin, la religieuse, elle est le reflet de Marguerite de Lamarre, que son père, afin d'accroître sa fortune, fit entrer au couvent dès l'âge de 3 ans. Ayant fait appel contre ses vœux forcés en 1752, elle perdit son procès et resta cloîtrée jusqu'à sa mort à l'abbaye de Longchamp que l'on retrouve dans le récit de Diderot. Entre amoureux des mots, quel plus beau lieu qu'une librairie pour se rencontrer. C'est dans celle de Saint-Sulpice, dans le quartier de l'Odéon à Paris, que Jean Gruaud, scénariste et dramaturge, rencontre un jeune Rouennais venu tenter sa chance à Paris. Il s'appelle Jacques Rivette. Nous sommes en 1949. Passionné de cinéma, Jean Gruaud l'invite à rejoindre le ciné-club du quartier latin, où il fréquente depuis quelque temps une joyeuse troupe de cinéphiles endurcis. C'est ainsi que Jacques Rivette fait la connaissance d'Éric Rohmer, puis rapidement de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et les autres. Ensemble, ils rejoignent les Cahiers du cinéma, revue à laquelle ces jeunes Turcs donnent un tournant critique radical. Le cinéma d'auteur est né, il ne reste plus qu'à passer derrière la caméra. Et le premier à s'y aventurer, c'est celui que tous estiment le plus pour sa connaissance et ses analyses critiques, c'est Jacques Rivette. Qui réalise en 1953 Le Signe du Lion, considéré comme le premier court-métrage de la Nouvelle Vague. Jean Gruaud retourne son copain Rivette pour son premier long-métrage Paris nous appartient, dont l'écriture, le tournage et surtout le montage sont particulièrement chaotiques. Le film, sorti en 1960, est un succès critique, mais c'est un échec commercial. François Truffaut, Jean-Luc Godard et les autres le sentent. Il faut rapidement que Jacques Rivette se remette en selle. Il faut lui trouver quelque chose à tourner. Or, il se trouve que Gruau vient justement d'adapter au théâtre La Religieuse de Diderot. J'avais été frappé par la vivacité, enfin la densité des dialogues de Diderot dans ce roman. Et je m'étais dit, ça serait merveilleux d'entendre ces dialogues prononcés par des comédiens. Est-ce que cette adaptation a présenté pour vous des difficultés et des problèmes particuliers ? Oui, à la longue, parce qu'il a fallu resituer cette histoire dans son cadre historique, social, de façon à expliquer aux gens, à nos contemporains, ce qu'était la situation des couvents à cette époque, qui n'a évidemment rien à voir avec ce que c'est actuellement. Début 1960, la pièce est jouée à Marseille avec succès. Jacques Rivette est emballé. Avec Rivette, ils écrivent un scénario très fidèle à l'œuvre de Diderot. Ils rencontrent un producteur, Eric Schlumberger, et présentent leur version à la commission de contrôle cinématographique qui donne un avis et qui évalue les risques de refus d'un futur visa d'exploitation. La réponse tombe le 30 mai 1962. Elle stipule « Le film risquerait d'encourir une interdiction totale en raison du caractère attentatoire au respect de la sensibilité d'une grande partie du public. » Sous-entendu, les religieuses, voire les catholiques en général. La commission ne juge pas, elle préjuge, elle anticipe les problèmes. Courage, fuyons. Mais bon, Gruau et Rivette se montrent compréhensifs, ils ne veulent pas blesser qui que ce soit. Non, ce qui les intéresse, c'est plutôt l'idée d'enfermement, de la persécution des institutions proches des thèses que développe Michel Foucault au même moment. Ils décident donc de modifier leur scénario, le titre notamment, qui devient Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, pour plus de clarté, et ils insistent sur l'ancrage historique du propos. Problème. Dans l'intervalle, Eric Schlumberger se désiste. Vu les sommes à investir, le producteur refuse de prendre le risque d'une censure. Au début des années 60, quand le film d'un jeune réalisateur de la nouvelle vague est en danger, on se tourne souvent vers un homme, disons, providentiel. Cet homme, c'est Georges de Beauregard, producteur, ami des jeunes cinéastes. Et Beauregard se lance dans l'aventure. Dans le même temps, Jean-Luc Godard a vendu projet, tout comme sa compagne, la comédienne danoise Anna Karina. Et il se trouve qu'elle adore le rôle. Godard soumet donc une idée à l'équipe. Pourquoi ne pas en faire une adaptation théâtrale à Paris ? Ce sera un bon moyen de voir si c'est choquant. Et voilà qu'au début de l'année 63, Anna Karina monte sur les planches pour interpréter la Suzanne Simonin écrite par Gruau et mise en scène par Jacques Rivette au studio des Champs-Élysées. On dit que mon père, ma mère sont des gens honnêtes. Ils sont aimés, respectés. Alors pourquoi se conduisent-ils ainsi avec moi ? Allons. Mademoiselle, je vois bien qu'il faut vous faire certaines confidences. Il y a longtemps que j'ai exhorté pour la première fois madame votre mère à vous révéler le secret que vous allez apprendre. Elle accepte aujourd'hui mon conseil, et c'est elle-même qui m'a chargé de vous annoncer que vous n'êtes pas la fille de Monsieur Simonin. Je m'en doutais. Rivette Gruau, un mariage, une pièce montée. C'est donc au théâtre, à l'automne 1963, que commence l'histoire de la religieuse de Rivette. Et c'est tout sauf un hasard quand on connaît la passion pour le théâtre du réalisateur et de son scénariste. Si la pièce ne soulève pas les foules, elle a au moins le mérite de confirmer, d'abord, que personne n'a été choqué, ensuite, qu'Anna Karina est exceptionnelle dans le rôle de Suzanne Simonin. Reste donc à avancer sur l'adaptation pour le cinéma. Georges de Beauregard connaît bien les arcanes de la censure pour y avoir été confronté récemment avec Le Petit Soldat, le film de Jean-Luc Godard sur la guerre d'Algérie. Prudent, il demande l'avis de deux experts. D'abord, au père Lepoutre, un représentant d'Église catholique, et surtout, au journaliste et écrivain Jean d'Ormesson, en charge des questions culturelles à la commission de censure. D'ailleurs, les deux hommes ne voient pas ce qui pourrait empêcher le film d'exister. Oui, il dresse un portrait à charge de la vie des couvents de cette époque. Oui, il y a des scènes difficiles autour de la sexualité ou de la violence des mères supérieures. Mais enfin, c'est bien peu au regard d'autres productions. Jacques Rivette et Jean Gruau finalisent leur nouvelle version et la déposent de nouveau pendant l'été 65. La commission prend acte des modifications et considère que le risque d'interdiction totale a disparu. mais elle souligne que le risque d'interdiction aux mineurs, lui, est élevé. Bien, Beauregard prend le pari. Le CNC rappelle les réserves de la commission, mais autorise la prise de vue. Le tournage peut donc commencer. Moi, je crois que de toute façon, Diderot est un jeune auteur. C'est même certainement un des plus jeunes auteurs de la littérature française, dans la mesure où son œuvre est effectivement... les titres en sont assez connus, mais elle est relativement peu lue. Je crois que Diderot est un auteur qui a encore beaucoup à nous dire, à nous apprendre, et que c'est un homme qui dépassait son époque de façon considérable. Il y a en lui beaucoup de choses qui annoncent le 19e siècle, que ce soit, il y a des sortes de pressentiments. Enfin, il y a tout dans Diderot, c'est un monde, c'est un... Je crois que c'est vraiment un auteur d'avenir. Confiez-moi tout. Je suis un Lugin. Je n'ai rien à vous confier. Mais encore une fois, d'où vient votre répugnance pour notre vie? De cette vie même. J'en hais la retraite, la contrainte. Il me semble que je suis appelée à autre chose. Qui vous a fait croire cela? L'ennui qui m'accable. Avignon, 11 octobre 1965. Le tournage de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, réalisé par Jacques Rivette, commence. Comme la plupart de ses compères de la Nouvelle Vague, le cinéaste aime tourner en décor naturel. Il avait d'abord choisi l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire. Oui, mais c'était sans compter sur la présence de Jean Foyer, ministre gaulliste et député du département, qui use de son influence pour que la justice ne donne pas son accord. L'élu ne prendrait pas le risque de s'aliéner son prude électorat. C'est donc finalement à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, que l'équipe s'installe. Un lieu qui a le mérite d'être dans une circonscription socialiste. Le tour est joué. Moteur, action, ça tourne. Enfin. D'octobre à décembre 1965, Jacques Rivette réalise donc sa religieuse, suivant à la lettre le texte et le plan de travail d'un film très écrit, très construit, autour d'une mise en scène sobre, presque austère. Il déroule les 5 séquences de son film, notamment les 3 actes centraux qui décrivent chacun un type de relation entre Suzanne Simonin et ses supérieurs. D'abord la compassion et la bonté, puis le sadisme et l'intolérance, et enfin l'attirance et la sexualité. Et parce que Rivette reste Rivette, sur le tournage, il change la fin. À l'inverse du roman de Diderot et de l'adaptation théâtrale, Suzanne Simonin se suicide. Si Rivette a conscience du côté sulfureux de son film, il se défend pourtant de toute volonté de provocation. Est-ce que sincèrement vous pouvez vous considérer comme un homme à scandale qui aime, pas forcément le scandale, mais le canular qui va loin, le besoin de choquer l'opinion? Est-ce que vous êtes un homme de cette sorte? Moi je ne le pense pas du tout. Enfin évidemment, il est évident que quand on fait un film, on ne le fait jamais dans l'intention de faire quelque chose de complètement innocent. Toute œuvre d'art essaye aussi d'être une œuvre qui provoquera plus ou moins le spectateur ou le lecteur. Là, nous n'avons pas du tout cherché le scandale, on a simplement cherché à mettre sur pellicule un sujet qui posait un certain nombre de questions assez passionnantes et un peu brûlantes, mais enfin, en même temps, très, très sereinement. Satan Le scandale pointe, et comme tout scandale qui se respecte, c'est par la rumeur qu'il fait son chemin. Cette rumeur, elle a commencé à enfler quelques semaines avant le début des prises de vue. Le 25 septembre 1965, la revue Cinématographie Française annonce le tournage du film de Rivette. Il n'en faut pas plus au milieu catholique pour s'alarmer. Bien que l'œuvre de l'écrivain des Lumières soit peu connue à cette époque du grand public, la hiérarchie catholique et les religieuses ont lu ce roman critique contre une période sombre de leur histoire. Le 15 octobre 1965, la présidente de l'Union des supérieurs majeurs adresse une lettre à Alain Perfitte, secrétaire d'État à l'information du gouvernement Pompidou. Dans cette missive, sœur Sainte-Élisabeth alerte le ministre sur ses craintes de voir porter à l'écran une œuvre où, je le cite, « toute l'institution monacale et avec elle toute la vie religieuse sont diffamées, caricaturées, traînées dans la boue ». L'association des religieuses diffuse le message dans tout son réseau et invite ses homologues à envoyer des lettres au ministre. Alors, lentement mais sûrement, l'opposition prend de l'ampleur. Perfitte reçoit des centaines de lettres contre un film que personne n'a encore vu. Or, il se trouve que nous sommes au cœur de l'hiver 65 et que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein. le président candidat de Gaulle ne peut se permettre de contrarier l'important électorat catholique une fois de plus. Le mot d'ordre est donc simple, rassurer. Alain Perfitte s'empresse de répondre à Sœur Sainte-Élisabeth. Il ne peut permettre qu'une œuvre blesse les religieuses et il usera de tout son pouvoir pour l'en empêcher. Et son pouvoir, il est grand, puisque c'est lui, en tant que secrétaire d'État à l'information, qui aura le dernier mot. La commission de censure n'ayant qu'un mandat consultatif. Pour autant, au sein même de l'Église catholique, ce vent de contestation ne fait pas l'unanimité. Comme en témoigne Sœur Françoise van der Merch, directrice, il est vrai, de la revue progressiste Échange. Le film était presque terminé, c'étaient les dernières images. Et Madame Grazio Alfonderi me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui dis « Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Bon, derrière nous, il y avait un journaliste d'Europe 1. Le journaliste d'Europe 1, il relève ça immédiatement. C'était parti. Le lendemain, j'ai un téléphone éploré. C'était d'abord la présidente de l'Union des supérieurs majeurs, qui me dit, ma sœur, j'ai entendu dire ça, nous sommes catastrophés, mais qu'est-ce que vous avez dit? Je lui dis, j'ai dit que ce que je pensais. Alors, je lui dis, est-ce que vous l'avez vu? Elle m'a dit non. Aucune religieuse n'avait vu. Il y avait eu interdiction à toutes les religieuses de voir ce film. Depuis 1951, sœur Françoise van der Merch s'occupe notamment du domaine de l'audiovisuel. C'est à ce titre que le père Pian la sollicite dans un premier temps. Lui, c'est le prêtre des Fils de la Charité, surtout le véritable instigateur du scandale qui naît. Membre de la commission de contrôle, il est vent debout contre le film. Seulement voilà, sœur Françoise van der Merch ne pense pas qu'une interdiction se justifie. Cette religieuse va même plus loin. Elle dit que ce serait contre-productif. Le moment est effectivement malvenu pour les catholiques alors que vient d'être adopté le concile de Vatican II qui dépoussière l'Église. À l'heure où les candidats à l'ordre se raréfient et que les églises sont désertées, il faudrait éviter également de montrer un visage trop rigoriste et se retrouver en décalage avec l'œuvre modernisatrice du pape Jean XXIII, celui que les caciques en pourpre avaient élu comme pape de transition, n'imaginant pas qu'il serait celui de la rupture. Un appel que n'entend pas le père Pian, qui compte bien mener le combat jusqu'au bout. Dans sa lutte, il peut compter sur un mouvement qui prend de l'ampleur. En janvier 66, alors que Charles de Gaulle vient d'être réélu et qu'Yvon Bourges remplace Alain Perfitte au poste de secrétaire d'État à l'information, c'est autour de l'APL, l'association de parents d'élèves de l'école libre, et ses 600 000 ouailles, d'entrer dans la danse. Elle diffuse auprès de ses adhérents une lettre modèle à envoyer au nouveau ministre de l'Information pour maintenir la pression et empêcher toute sortie du film. Sur les plateaux de télé, les représentants de l'autorité catholique se relaient pour dénoncer la religieuse de Rivette, comme Monseigneur Veillot, archevêque de Paris. Ce que je souhaite, c'est que, pour l'honneur du cinéma français, des œuvres comme celle que j'ai vue ce matin, ne soit pas diffusée. Mais autre chose, porter ce jugement, qui est un jugement de caractère moral, et autre chose, prendre une décision qui relève des pouvoirs publics. Je laisse au pouvoir public la responsabilité de ces actes. C'est donc dans un climat particulièrement tendu que s'ouvrent les travaux de la commission de contrôle. Beauregard et Rivette mettent toutes les chances de leur côté et ajoutent un carton en amorce de leur film. Un carton qui dit « Librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot, ce film est une œuvre d'imagination. Il ne prétend pas présenter de peinture exacte des institutions religieuses. » Le 22 mars 1966, la commission rend un premier avis. Le film est interdit aux moins de 18 ans, mais il peut être diffusé. 14 voix pour, 8 contre et une abstention. Insatisfait de la décision, Yvon Bourges demande à ce que le film passe une seconde fois devant la commission. Confirmation du premier avis. Deux jours plus tard, le ministre de l'Information décide d'interdire purement et simplement la religieuse de Jacques Rivette. Il en a le pouvoir, il en use. Moralité, malgré ses dissensions internes, le travail de sape de la campagne d'opposition catholique aura eu raison du film. Quelques jours plus tard, dans les kiosques français, sort le numéro d'avril 1966 des Cahiers du cinéma, avec un titre sans équivoque qui barre la célèbre couverture jaune, « La guerre a commencé ». Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Et je t'emmène au cinéma. Est-ce que malgré la censure, vous avez vu le film de Rivette, religieuse ? Oui, j'ai vu le film de Rivette, religieuse. Et je dois dire que la condamnation... Les bras m'en tombent, parce que c'est un film mystique et religieux. Rivette n'est pas du tout un petit rigolo, ni un bouffe-curé. Non, il est. Mais pas du tout. Non. Alors, interdire un tel film, c'est dire aux Français majeurs, vaccinés, citoyens et votants, vous n'êtes pas capable de comprendre ce film-là, vous allez tout de suite pervertir mes pauvres chéris, il ne faut pas que vous le voyez surtout, parce que vous n'êtes pas assez grand. Vous n'êtes pas assez grand, pas assez évolué intellectuellement pour séparer le bon grain de l'ivraie et pour prendre, même dans un film pernicieux, vous n'êtes pas suffisamment intellectuellement armé et moralement armé pour y résister. Voilà ce que vous êtes. Jurer. Combien ? Tu ne jurerais pas. Je ne jurerais pas. Non, madame. Vous êtes donc coupable. De quoi ? De tout. Il n'y a rien dont vous ne soyez capable. Ainsi parlait, avant l'extrait du film, le grand critique de cinéma Jean-Louis Bory, père spirituel du masque et de la plume. Au début du mois d'avril 1966, la bataille pour la religieuse de Jacques Rivette est lancée. Face à la décision autoritaire du ministre de l'Information, le monde de la culture se mobilise. D'abord sur le terrain judiciaire, Georges Kegeman, l'avocat de Georges de Beauregard, le producteur du film, dépose un recours en annulation devant le tribunal administratif. Ensuite, sur le terrain de la communication. Dès le 5 avril, Beauregard et Rivette donnent une conférence de presse pour rétablir quelques vérités. Notamment que la commission de contrôle a voté à la majorité l'exploitation du film. Les deux hommes appellent donc à une contre-attaque et demandent aux citoyens d'envoyer des lettres au ministre de l'Information. Un appel entendu par la presse. Tribunes, articles, prises de position des autres cinéastes remplissent les pages des journaux. La revue Combat parle de République des lâches. Le Canard enchaîné, d'inquisition. Le monde se déclare atterré devant une telle décision. et puis un manifeste du 1789, comme le nombre de signatures, référence à l'héritage révolutionnaire bien sûr, réunit des personnalités de la culture comme Marguerite Duras ou Jacques Prévert, mais aussi des membres du clergé, oui, et même des gaullistes convaincus, comme le journaliste Michel Droit ou Gaëtan Picon, qui n'est autre que le principal collaborateur d'André Malraux, ministre de la Culture, ou plutôt ministre de la Kultur, comme le rebaptise Jean-Luc Godard, dans une tribune cinglante, publiée le 14 avril 1966 dans le Nouvel Observateur, et dont voici la lecture. Si ce n'était prodigieusement sinistre, ce serait prodigieusement beau et émouvant de voir un ministre UNR de 1966 avoir peur d'un esprit encyclopédique de 1789. Et je suis sûr maintenant, cher André Malraux, que vous ne comprendrez définitivement rien à cette lettre où je vous parle pour la dernière fois, submergé de haine. Pas davantage, vous ne comprendrez pourquoi dorénavant j'aurai peur aussi de vous serrer la main, même en silence. Mais il n'a plus de main, disait Peggy. Aveugle donc et sans main, juste les pieds pour fuir la réalité, lâche en un mot, peut-être tout bonnement faible, vieux et fatigué, ce qui revient au même. Rien d'étonnant à ce que vous ne reconnaissiez plus ma voix quand je vous parle à propos de l'interdiction de Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, d'assassinat. Non, rien d'étonnant dans cette lâcheté profonde. Vous faites l'autruche avec vos mémoires intérieures. Comment donc pourriez-vous m'entendre, André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain, la France libre? L'affaire de la religieuse prend une ampleur nationale. La France entière se met à relire Diderot et son roman devenu l'improbable best-seller du printemps 66. Sa statue, boulevard Saint-Germain à Paris, est fleurie. Un meeting à la Mutualité est organisé par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Des réunions publiques se tiennent pour débattre de la liberté d'expression, de la laïcité, de la censure. Des habitants de la ville de Bourges, homonymes du ministre, lancent même une pétition pour remplacer le nom de leur commune par Diderot ou Rivette. Dans le camp catholique, on résiste. L'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, publie un article le 17 avril qui soutient l'opposition à un film qu'il juge intrinsèquement offensant pour l'honneur et la vie spirituelle des catholiques. C'est de bonne guerre. L'affaire de la religieuse s'invite également à l'Assemblée nationale, notamment par la voix de Fernand Dupuis, député communiste, qui le 29 avril interpelle le ministre. Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, menacerait donc l'ordre moral. Vous nous dites que les qualités du film ne sont pas en cause, mais que le film est insupportable pour une religieuse, pour un prêtre ou pour un catholique. Je conçois parfaitement, monsieur le ministre, et j'admets que la vue du film puisse être désagréable pour certains. Mais outre qu'aucune loi n'oblige tel ou tel à assister à un spectacle qu'il ne veut pas voir, la question n'est pas de savoir si ce film plaît ou ne plaît pas à certains citoyens, car alors il faudrait interdire Topaz et Clochemerle, la Robe Rouge et le Maître des Forges, et Knock et Tartuffe, et la dite Chatterley préfacée par M. André Malraux, sans parler du gendarme de New York que M. le ministre connaît bien. Réponse d'Yvon Bourges. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sous la 4e République, 137 films furent totalement interdits, soit près de 1 par mois. Je note pour Monsieur Dupuis que les gouvernements auxquels a participé le Parti communiste ont interdit totalement l'exploitation de 32 films. À Monsieur Germain, j'indique que les ministres socialistes de l'information détiennent le record des interdictions totales avec 55 films en 3 ans. Puisqu'il y a quelques jours, M. François Mitterrand semblait considérer à cette tribune même que l'interdiction d'un film était une faute contre l'esprit, je lui rappellerai que lorsqu'il était secrétaire d'État à l'information, de juillet 1948 à octobre 1949, il a interdit totalement 11 films. Devant la presse, le ministre tente la pédagogie, reste sur sa ligne. Le film heurte une partie de la population, les religieuses, et c'est sa mission régalienne que de protéger les catégories les plus vulnérables de la population. En face, on dénonce l'arbitraire, l'autoritarisme et surtout l'aveuglement du pouvoir et des institutions religieuses qui, pour la plupart, s'opposent à un film qu'ils n'ont pas vu et dont le véritable message est justement de montrer avec force que malgré la violence de ce qu'elle vit, à aucun moment la religieuse n'abandonne sa foi. Serait-ce alors ce que montre le film justement qui agace tant ses pouvoirs divins et régaliens? Les dérives possibles, réelles, que toute forme d'institution peut engendrer et dont l'usage de la censure serait, en fait, la démonstration, un aveu. Comme souvent dans les histoires de cinéma dignes de ce nom, c'est sur les rives de la Méditerranée qu'une partie de l'acte final se joue, celle des réconciliations canoises. André Malraux aurait-il été piqué au vif par la tribune de Jean-Luc Godard ? On ne le saura sans doute jamais, tant le silence du ministre de la Culture tout au cours de l'affaire est assourdissant. Malraux l'a toujours dit, lui s'occupe de culture, pas de censure, qu'il laisse au ministre de l'Information et c'est très bien ainsi. Oui, c'est surtout beaucoup plus confortable. Ça permet à Malraux de jouer entre les lignes. Ainsi, lorsque par soutien, en tant que par intérêt artistique, le comité de sélection du Festival de Cannes intègre la religieuse de Rivette à son programme, André Malraux ne s'y oppose pas, comme il le pourrait pourtant. La France envoie donc à son festival un film qu'elle n'autorise pas sur son territoire, une belle tartufferie. Le 6 mai 1966, ce sont plus de 6000 spectateurs sur invitation qui se retrouvent dans la grande salle de projection du festival pour voir ce film dont tout le monde parle. Si l'œuvre repart bredouille au palmarès, elle a pu exister pour ce qu'elle est, un film, une œuvre artistique. En marge de la projection, Jacques Rivette est interviewé. Jacques Rivette, vous présentez aujourd'hui à Cannes votre film La Religieuse qui a fait couler beaucoup d'encre. Et il y a quand même quelque chose d'assez étrange, car cette œuvre de Diderot s'élevait contre l'arbitraire et la voilà deux siècles après victime de l'arbitraire, en somme. Je trouve que vous venez de résumer remarquablement la situation. Parfois, c'est une coïncidence que nous n'avions évidemment absolument pas cherché, absolument pas voulu. Elle est amusante un petit moment. Je crois que si elle se prolongeait trop longtemps, elle cesserait d'être drôle. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, monsieur. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, monsieur, non. Mon enfant, remettez-vous et écoutez-moi. Monseigneur, vous me demandez si je promets à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Je vous ai bien entendu. Je vous réponds que non. Jacques n'est pas fataliste et Rivette a raison. Effectivement, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Tant mieux, puisque le tribunal administratif de Paris, qui avait saisi Bourgard, le producteur, annule la décision ministérielle pour vice de forme et demande à ce que le film soit renvoyé une troisième fois devant la commission de contrôle. Mais quel chemin de croix, si j'ose dire. 6 mois après la représentation cannoise, en janvier 1967, on se réunit de nouveau et le vote se confirme. Interdiction aux moins de 18 ans, mais autorisation d'exploitation. Entre-temps, un nouveau ministre de l'Information a été nommé, Georges Gors, le troisième depuis le début de l'affaire. Alors, que doit-il faire? Eh bien, il se tourne vers le premier ministre, Georges Pompidou, puis vers le général de Gaulle. Ces derniers lui répondent qu'ils en ont plus qu'assez de cette histoire, hein, qu'il faut en finir. Georges Gors leur explique qu'il a envoyé son conseiller culturel, Romain Gary, voir le film pour se faire un avis. La réponse est brève, mais explicite. Ce film ne peut choquer que par l'ennui qui s'en dégage. Pour le reste, il n'y a vraiment rien qui justifie une censure. Bien, mais il ne faudra pas qu'Yvon Bourges, le prédécesseur, se sente désavoué. Alors comme souvent, on trouve une solution conciliante. On demande au réalisateur d'enlever quelques minutes d'une scène dérangeante. La nouvelle version est ainsi autorisée. Et puis voilà, c'est réglé. Le nouveau ministre entérinera. Finalement, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, sort sur les écrans le 26 juillet 1967 et rencontre un beau succès en salle, puisque près de 3 millions de spectateurs font du film de Rivette le 9e au box-office de cette année-là. Comme souvent, le scandale attire les foules. Mais il faudra attendre janvier 1988 pour que l'interdiction aux moins de 18 ans soit enfin levée. Entre-temps, une vaste réforme réduit considérablement le pouvoir ministériel de censure, car le vent de mai 68 a soufflé sur la France et sur cette joyeuse bande de cinéastes décaillés qui, à cette occasion, ont affirmé leur engagement politique. Ce n'est pas un hasard non plus si, au détour d'un plan de Fahrenheit 451, le film de François Truffaut, sorti en septembre 66, dans l'autodafé des livres entre Proust et Genet, apparaît le visage d'Anna Karina recouvert du voile de Suzanne Simonin. Une manière de dire, avec Diderot, que le geste du censeur est toujours un aveu d'impuissance, ou de dire, avec Chabrol, que paradoxalement, les dictatures de vieillards sont celles qui durent le plus longtemps. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais dire, tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient. Il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la religieuse de Jacques Rivette. Notre invitée, Hélène Frappa, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes romancière, critique de cinéma, spécialiste de Jacques Rivette. Je dis ça parce que vous lui avez consacré deux ouvrages, dont celui-ci, Jacques Rivette, secret compris, publié aux éditions des Cahiers du cinéma, évidemment, en 2001. Je tiens, je vais vous trahir. Vous m'avez dit hors micro, j'ai simplement dit hors micro, au micro, ce que vous avez dit hors micro sur l'œuvre de Diderot. Cette œuvre-là, vous, manifestement, vous l'admirez. Hein. Je parle pas des films, je parle de l'œuvre déjà. Je pense que l'archive dans laquelle on entend Jacques Rivette dire de Diderot que c'est le plus jeune écrivain français et qu'il a encore beaucoup qui n'est pas lu, en fait, beaucoup à nous dire. Je pense que ça dit tout, en effet. Et j'aimerais lire juste une, parce que il y a tout dedans. Oui, vas-y. Voilà, c'est la fin de La religieuse de Diderot et c'est un des plus beaux passages de toute la littérature française. Donc c'est Suzanne Simonin qui parle et qui dit: vous pouvez répondre de mes mœurs. Malgré les apparences, j'en ai. J'ai même de la piété. Ah, monsieur, tous mes maux seraient finis et je n'aurais plus rien à craindre des hommes si Dieu ne m'avait arrêté. Ce puits profond situé au bout du jardin de la maison, combien je l'ai visité de fois. Si je ne m'y suis pas précipité, c'est qu'on m'en laissait l'entière liberté. J'ignore quel est le destin qui m'est réservé, mais s'il faut que je rentre un jour dans un couvent, quel qu'il soit, je ne réponds de rien. Il y a des puits partout. Cette phrase, il y a des puits partout, qui est pour moi une des plus belles phrases de l'histoire de la littérature, résume absolument ce que raconte hein, ce roman qui dépasse très largement la question de l'enfermement du couvent et à travers elle aussi l'enfermement carcéral des femmes. C'est très politique en fait. Des femmes, hein, parce qu'il s'agit, c'est pas pour rien qu'il s'agit d'une religieuse. Il y a des puits partout, c'est aussi l'histoire de la mélancolie qui dépasse évidemment bien de bien loin la question religieuse. Et c'est cette histoire-là, je pense, que Jacques Rivette a voulu mener à bout en faisant littéralement, en faisant se suicider Suzanne Simonin à la fin de son film, en la faisant tomber justement dans un puits, sachant que le puits, c'est aussi la métaphore par excellence de l'ignorance, on le sait, hein, une métaphore très encyclopédique, donc tout est noué autour de cette image-là, je trouve. Alors, il y a Diderot d'un côté, puis il y a Rivette. À partir de quand vous êtes-vous intéressé à Jacques Rivette et au-delà de la religieuse, hein? Ma hantise un peu, enfin mon obsession de son œuvre est née quand j'ai découvert adolescente Paris nous appartient, son premier film, un film extrêmement hanté, par une idée de complot qui est aussi sous-jacente au roman de Diderot, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais que je trouve extrêmement beau et que moi j'ignorais complètement quand j'ai lu La Religieuse, et c'est Jacques Rivette qui me l'a raconté, c'est qu'en fait ce roman, il part d'un complot amical, c'est-à-dire que Denis Diderot avait un de ses meilleurs amis, l'amitié, surtout dans un contexte où le groupe des encyclopédistes était absolument persécuté, hein, par le pouvoir notamment religieux, l'amitié était un lien très fort entre ces écrivains et ces militants, on pourrait dire aussi, ces scientifiques. Et donc, il avait un ami, le marquis de Croixmare, qui avait fait le projet de s'installer, enfin, qui voulait quitter Paris, s'exiler pour Diderot, en province. Diderot, désespéré par le départ de cet ami proche, invente avec ses amis Grimm, avec notamment son ami Grimm, un autre philosophe, un petit complot fictionnel, romanesque, qui consisterait, Monsieur de Croixmare avait énormément milité contre l'enfermement des jeunes filles, l'enfermement abusif, puisque c'est ça dont il est question. Il n'est pas question de la vie monastique, il est question de la manière dont les familles nobles et bourgeoises se débarrassaient de jeunes filles qu'on ne tenait pas à faire hériter, ou dans le cas de Suzanne Simonin, de jeunes filles qui étaient illégitime, hein. Donc ce n'était pas la fille légitime de son père, une enfant comme on disait naturelle, et donc pour se débarrasser de ces jeunes filles gênantes, on les enfermait dans des couvents. Donc Diderot va inventer l'histoire d'une jeune fille internée abusivement dans un couvent, qui va écrire à Monsieur de Croixmare et au marquis de Croixmare pour le faire revenir à Paris. Donc tout part d'un complot. Donc il commence à écrire ça. Très vite, il se prend au jeu. Il se prend au jeu de la fiction, en fait. Au point qu'un jour, un ami arrive chez lui et le trouve pleurant toutes les larmes de son corps. Elle lui dit très alarmée, mais que se passe-t-il ? Et il lui répond, cette phrase sublime, « Je me désole d'un conte que je me fais ». Donc ça, c'est une phrase que Jacques Rivette m'avait racontée et qu'il touchait énormément. C'est-à-dire cette puissance de la fiction comme complot, hein, c'est-à-dire du moment... Et c'est intéressant, pardon de vous couper, mais c'est intéressant, oui. La fiction comme complot, il y a des complots positifs, ça rappelle aussi la nouvelle vague. Complot. Oui, c'est un beau complot, mais la nouvelle vague, c'est aussi un beau complot. Jean Renoir disait, faire un film, c'est comme braquer une banque. Oui, j'entends bien, mais la nouvelle vague, c'est aussi un joli complot, quelque part, un complot artistique contre le cinéma de papa, on y va, on passe à... C'est le cinéma d'auteur, Rivette est là-dedans, il y a une certaine cohérence entre la démarche de Diderot et puis celle des cinéastes de la nouvelle vague. Oui, absolument. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette analogie, mais quand vous le dites, ça me paraît très juste. L'analogie entre, disons, la force éruptive, hein, du mouvement encyclopédique qui va en effet faire œuvre de science, mais à une époque où faire œuvre de science, c'est faire œuvre politique. Et puis, en effet, la manière dont le groupe, les jeunes turcs que citait l'archive, donc ce groupe de la nouvelle vague, va lutter contre une certaine forme d'art, en fait. Hein. Alors, ce qui est très ironique, on pourrait dire, dans l'histoire, c'est que parmi ce groupe de la nouvelle vague, il y avait un moine, et ce moine, c'était Jacques Rivette. Il était surnommé comme parce ça. Parce qu'il était discret, c'est pas Godard, par exemple. Il était discret, mais surtout, il y avait une dimension monastique dans sa manière de dans son engagement cinématographique. Des témoins disaient qu'il entrait dans un tournage comme on entre au couvent. Donc c'est assez ironique finalement, et ça, c'est une preuve vraiment du malentendu et de l'énorme stupidité. Mais enfin, le problème n'est pas la stupidité, le problème c'est l'instrumentalisation politique que l'Église catholique a faite d'un film qu'elle n'avait absolument pas vu. Mais donc c'est aux moines, finalement, qu'on s'est attaqué, ce qui est plutôt ironique. Et quand on y repense, quand même, c'est tout à fait incroyable et saisissant. Et que dirait Diderot s'il voyait ça? Que deux siècles après son œuvre, on censure une œuvre du siècle de la Lumière. C'est quand même incroyable. Oui, il y a une logique, en réalité. Hein. Et ce qui est assez fascinant et désolant, et en même temps, enfin, il y a une vraie logique politique, à ce que finalement, ce que raconte le roman, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille, donc fille, comme on disait, illégitime, qui va être internée, hein, on peut dire abusivement, dans un couvent. Elle a la foi, mais elle ne veut pas mener cette vie qui est une vie carcérale. Elle va rencontrer trois figures de sœurs, hein, qui sont donc la sœur mystique, la sœur sadique, la sœur lesbienne. Les trois, à chaque fois, étant la persécutant à chaque fois. Elle veut sortir, mais elle ne veut pas s'enfuir. Et c'est ce qui est très beau dans le personnage de Suzanne Simonin, ce qui est absolument déchirant. Ce que va reprendre Jacques Rivette, c'est que Diderot en fait une jeune fille absolument croyante, qui ne renonce, qui n'abdique jamais sur sa croyance en Dieu. Mais qui refuse, donc qui veut en fait être légitime, qui veut être reconnue comme. C'est pour ça que c'est un combat, c'est le combat du féminin aussi. Hein. Et c'est un combat, je pense que l'Église catholique l'a très bien vu, même si cette question-là n'a jamais été nommée explicitement. Mais derrière cette histoire de bonne sœur, hein, en réalité. Et l'histoire d'émancipation. Je dis bonne sœur exprès, évidemment, ouais. Mais c'est l'histoire de l'émancipation féminine, hein, et de ces jeunes filles qui n'avaient pas de statut, qui n'avaient pas de place. Et quand on ne pouvait pas les marier parce qu'on ne pouvait pas les faire hériter, elle était illégitime. C'est ça le problème. Elle n'a pas de dot. Qu'est-ce qu'on fait d'une jeune fille qui n'a pas de dot? Bon, on la met dans un couvent. Donc, elle veut l'autorisation de pouvoir sortir. Et donc, le roman va raconter ce procès qu'elle fait constamment, ces demandes qu'elle fait, pour qu'on l'autorise à sortir, sachant que la porte pourrait être presque ouverte, mais elle ne veut pas s'enfuir. Donc, des deux siècles après, finalement, ce que raconte l'histoire que les archives ont remarquablement raconté, c'est la même, c'est-à-dire un film qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire que se rejoue exactement, pas seulement les questions de censure à l'époque au XVIIIe siècle, mais littéralement l'essence même de cette illégitimité de cette jeune fille qu'a raconté Diderot. Rien n'a changé. On va écouter la voix de l'une des plus grandes figures dans ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague, j'ai nommé Truffaut, bien sûr dans une archive qu'on va écouter ensemble, et notamment sur l'attitude de Malraux. Il s'agissait de demander à M. André Malraux comment peut-on être ministre de la culture et se désintéresser de la censure, c'est-à-dire on sait qu'il est contre la censure, et il a dit il y a plusieurs années, je ne veux pas me mêler de la censure, qu'on donne ça à un autre ministère, mais est-ce qu'on peut être ministre de la culture et ne pas s'occuper de la censure? C'est difficile, parce qu'effectivement, le jour où on censure Diderot, il se trouve ridiculisé, en tout cas très gêné, et c'est une affaire extrêmement pénible. Ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'il ne s'estime pas dédouané sous prétexte que le film est passé un soir au Festival de Cannes, parce que cette soirée gratuite n'amortit absolument pas le coût du film, et si le producteur se retrouve dans un mois en faillite parce qu'il devra rembourser tout l'argent que ce film a coûté, ce sera quand même une chose assez lourde sur la conscience de tous ces gens-là, parce que ce n'est pas juste, surtout après les avoir laissés quand même faire le film en leur donnant des encouragements exagérés, mais en tout cas en leur donnant des garanties avant sur simplement l'austérité et le sérieux du scénario. Et là, je crois qu'hier à Cannes, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un film très digne. Malraux, c'est un peu Ponce-Pilate hein, dans cette histoire. Il s'en lave les mains, quoi. Oui, c'est l'hypocrisie finalement, enfin la lâcheté plutôt, je crois que le terme précis qu'emploie Jean-Luc Godard, c'est la lâcheté, ou Chabrol aussi, avec son ironie habituelle, avait écrit un texte dans un journal de l'époque, Paris Presse, en disant mais vous n'allez pas du tout assez loin, allez-y, enfermez, mettez en prison Jacques Rivette, le producteur, les acteurs, etc. Oui, il y a une hypocrisie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement que ce que ça révèle, hein, c'est le catholicisme comme religion d'État, hein. Officiellement, nous sommes dans un pays laïque, paraît-il, mais en réalité, ce que montre l'affaire de la triste affaire de la censure de la religieuse, et c'est une histoire en ce sens que je trouve tout à fait contemporaine, hein, qui a vraiment des choses à nous dire sur ce que nous vivons en France aujourd'hui, c'est faisant fi d'une œuvre d'art qui est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma français, hein, bon, je n'en déplaise à Romain Gary qui là-dessus est un peu, à mon avis, s'est trompé, c'est un très beau film, mais derrière ça, il y a vraiment une religion d'État qui dicte. Parce que, bon, moi, ce que m'avait dit Jacques Rivette, je me souviens, il l'a écrit aussi à l'époque. Ah, j'allais vous le demander, comment il a vécu ça, lui ? Alors, plutôt avec beaucoup de une forme de un peu de tristesse, mais beaucoup d'ironie, en réalité. Lui était convaincu que l'une des pièces maîtresses, disons, de ce déchaînement, c'était la femme du général de Gaulle, donc Yvonne de Gaulle, qui était extrêmement bigote. Mais il était convaincu que la bigoterie de Madame de Gaulle avait beaucoup joué contre le film, même si elle ne l'avait pas vu, mais que certainement elle avait... Enfin voilà, c'était sa théorie, disons, qui est assez étayée, hein, en réalité. On s'étonne de voir la censure à cette époque, enfin, surtout on s'étonne de son fonctionnement. Hein. C'est une sorte de conseil de bon père de famille qui, sur le scénario, puis sur le film, se retrouve, vote, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, il n'y a pas vraiment de critères. C'est le règne de l'arbitraire à ce moment-là. Est-ce que ça a évolué quand même? Est-ce que les comités de censure sont devenus, je veux dire, plus démocratiques? Alors, concrètement, j'en ai pas la moindre idée. En revanche, je trouve que, enfin, la question et la question qui se pose encore maintenant, c'est qu'on voit bien que finalement, il y a deux choses qui s'opposent, qui sont d'un côté l'éthique, hein, ou la morale, telle que ça a été prononcée dans les archives, et puis de l'autre, la religion, hein, et que les deux ne sont pas particulièrement superposables, puisque ce qui est, quand je dis que c'est un très beau film, c'est un film qui a un point de vue, et c'est de même que le roman de Denis Diderot. L'obsession de Diderot, finalement, c'était cette question l'éthique. De même que, et l'ironie encore une fois du sort, c'est que Jacques Rivette est celui parmi les cinéastes de la Nouvelle Vague qui a le plus écrit sur le fait qu'une œuvre d'art était en même temps une œuvre qui s'avançait, un film s'avançait, que chaque mouvement de caméra obéissait à un point de vue éthique. Donc c'est là, et la religieuse est sans doute de tous ces films, celui dans lequel, par exemple, on voit bien comment il a pensé à chaque plan comment représenter la question de la vie carcérale, hein, puisque peu à peu, cette jeune fille va être enterrée derrière des barreaux, des barrières, etc. Il y a quelque chose, le noir va gagner peu à peu. Tout ce qui était du côté du clair-obscur dans le roman de Denis Diderot, dont il faut rappeler, autre ironie, qu'il était l'un des plus grands admirateurs de la peinture religieuse de son temps, Denis Diderot. Hein, donc tout ça est absolument en dehors du manichéisme et de cette ignorance absolument... criminel, peut-on dire, hein, des représentants officiels de la religion catholique, qui aboutit finalement à enfermer des œuvres, à enfermer des femmes, en dépit de ce qu'on pourrait appeler la vérité et la liberté, qui était le double combat de Denis Diderot. Comment vous avez réagi, si tant est que vous étiez déjà adulte, peut-être étiez-vous trop jeune, lors de l'incendie du cinéma Saint-Michel en 1988 à Paris, qui diffusait la dernière Tentation du Christ, hein, c'est bien ça? Ah oui, c'était une histoire complètement, oui, je l'avais un peu oubliée, enfin oui, tout à fait. Là, on est allé très loin, parce que là, on est au-delà de la censure, on est dans l'acte. Oui, voilà, le problème, c'est que c'est vrai qu'on aurait... un peu tendance à en rire, mais en réalité c'est absolument effrayant. Je crois qu'il ne faut jamais oublier cette phrase de Denis Diderot, il y a des puits partout, hein, ces puits d'ignorance, puits, oui. Voilà, ces puits d'ignorance, ces puits de mélancolie, ces puits de folie, littéralement, hein, d'aveuglement et de folie qui poussent à commettre ces incendies qui rappellent, vous citiez Fahrenheit, bien sûr. Sorte d'auto-da-fé, oui, ça ne s'applique pas à des livres, du cinéma. Oh, il nous reste 20 secondes, un mot sur Jacques Rivette et finalement la place qu'il tient dans l'histoire du cinéma contemporain français et dans la Nouvelle Vague. Comment est-ce qu'il a une place particulière, Rivette ? Il a une place, oui, je pense, qui est complètement... oui, il a une... Il vient littéralement d'une autre planète qui est... Il n'a cessé d'ailleurs de dire, hein, que les femmes étaient des extraterrestres, que lui filmait du côté du féminin, du côté de ces extraterrestres, etc. Et c'est sans doute cette place-là qui à mon avis, très proche de celle qu'avait Diderot parmi les encyclopédistes, qui l'a sans doute fait reconnaître comme... comment dire, quelqu'un... Incontournable, on va dire. Allez, oui. Et on va se séparer là-dessus. Parce que leur tour ne fera pas. Magique. Merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui La Religieuse de Jacques Rivette, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le bombardement du camp français de Bouaké en Côte d'Ivoire. C'était le 6 novembre 2004.